Notre nom n'est pas écrit quelque part. Est-ce qu'on existe? C'est un peu philosophique, ça, mais... Nous sommes sur la piste des Mormons. Cette organisation qui préserve les archives généalogiques de l'humanité. Alain Allard, notre interlocuteur québécois, nous a organisé un rendez-vous sur le terrain. Nous allons rencontrer un chef de projet pour observer son travail quotidien. Tristan Casanova a été recruté il y a plus de 20 ans pour numériser des documents aux archives de la province. Pour entamer le dialogue, il a choisi de nous emmener dans une chapelle mormone de la ville de Québec. Ce n'est pas un endroit commun, c'est à la fois un lieu de culte, de vie et d'études. Salut Bobby. Salut Bobby. Ça, c'est les salles de classe ici. Généralement, ici, ce sont les jeunes filles qui sont ici. Tristan Casanova n'est pas né mormon. Il s'est converti. J'étais à Vancouver, je cherchais un endroit où habiter et... Dans le journal, j'ai vu qu'il y avait une pension. Je suis venu, puis ils m'ont dit oui, ça coûte tant, puis il y avait une chambre, etc. Puis ils m'ont dit qu'ils étaient mormons. Je n'avais jamais entendu parler de ce mot-là avant. J'ai dit, ah bon, mais je suis dit, bon, ben, c'est parfait. Chaque repas, là, ils bénissent leur nourriture, ils prient. Quelqu'un fait une prière, puis... Tout le monde ferme les yeux, penche la tête. Puis on dit amen. Moi, j'ai dit non, ça ne me dérangeait pas. Pour moi, ça n'avait pas de valeur. Parce que je n'ai jamais été élevé dans une religion quelconque. Alors, c'est ainsi. Puis un jour, il m'a demandé, le père de famille, il m'a demandé si je voulais aller à l'église. Bon, j'ai dit... Puis j'y suis allé. Et cette église, c'est drôle parce que je prenais l'autobus régulièrement, puis je passais devant. Puis j'avais jamais entendu parler de cette église, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Je me disais toujours, mais qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai dit, ah tiens. Et ça a commencé comme ça. J'ai été enseigné par les missionnaires, puis j'ai petit à petit, à un moment donné, j'ai acquis des valeurs que je n'avais pas. Tristan nous invite à poursuivre la visite de la chapelle mormone. Après avoir jeté un coup d'œil dans la grande salle où les offices sont célébrés, nous avançons dans un long couloir. Nous atteignons une pièce que l'on ne s'attend pas à retrouver dans un tel lieu. Ça, ce sont des bureaux pour les dirigeants, évêques. Ça, c'est la greffe. C'est une grefferie ici. Ça, c'est pour faire l'histoire familiale. Ça, c'est notre centre, là où les gens viennent. Il y a les vieilles machines pour lire les microfilms. Là, il n'y a plus rien dans les tiroirs, là ? Oh, oui, il y en a. Vous en avez un, juste pour montrer la... Ça, c'est... Non. Je ne sais pas s'ils en ont gardé. Oui, voilà. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On peut regarder? Oui, on voit les documents qui ont été microfilmés. Registre de catholicité. Ça vient d'où? On va mettre un ami à l'envers. Je n'ai pas mes lunettes. 12 avril 82, et le titre? Il est la première image. La première image. Elle doit vous donner la date. C'est la date du film, c'est 12 avril 1982. Et 1770-1790, la vache. Il y a 20 ans, par l'entremise d'Alain Allard, les Mormons offrent un emploi aux archives de Québec pour numériser les documents de la Nouvelle-France. Et alors j'ai rempli la demande d'emploi, et puis j'ai été accepté. Puis ça fait 20 ans que je numérise, microfilme les archives. Pendant toutes ces années aux archives, Tristan a pu se forger quelques convictions autour de son travail de préservation. Il y a longtemps, les gens pensaient qu'on faisait de la généalogie pour découvrir si on avait un ancêtre très riche, fortuné, ou si on venait de la noblesse de France, française. Ce qui me fait sourire, surtout en France, quand on dit « Ah, il vient d'une bonne famille » ou « d'une vieille famille ». Mais tout le monde vient d'une vieille famille. Tout le monde. Mais en France, ça a une connotation différente de dire « Ah, oh, c'est une vieille famille ». Oui, mais tout le monde vient d'une... Qu'il soit paysan, mineur, charbonnier, tout le monde vient d'une vieille famille. Je pense que l'importance de savoir, de reconnaître, nous appartenons à quelque chose. Nous avons des ancêtres et nous avons leur ADN. Il y a quelque part, il y a un petit pays où on avait numérisé toutes leurs archives. Et ils ont eu un souci, c'est que tout a été détruit. Et alors, ils nous ont demandé, on leur a renvoyé une copie de toutes leurs archives. Comme ça, ils avaient une histoire. Ils étaient ancrés dans l'histoire. Si on n'a pas d'archives, on n'est pas ancré dans l'histoire. Si notre nom n'est pas écrit quelque part, est-ce qu'on existe? C'est un peu philosophique, ça, mais... C'est important. Alors, on leur a donné tout. Mais c'est les archives qui s'occupent. Moi, je fais juste... numériser les images. Tristan est fasciné par le projet collectif de son église. Pour incarner cette vision... il se rend tous les jours aux archives de Québec. C'est ce trajet que nous faisons avec lui pour découvrir l'endroit où il scanne les documents. Alors, bienvenue dans mon antre, où je numérise les documents quotidiennement. Alors, ce que vous voyez là, vous avez un ordinateur avec un écran, une caméra Nikon D800E, sous laquelle... j'ai une table noire où je pose des documents que je numérise. Directement, l'image est enregistrée sur le disque dur de l'ordinateur. Et je répète ça. Ici, je suis seul, mais pas désespéré. Au sixième étage du bâtiment, nous sommes en effet seuls, au milieu des linéaires de boîtes d'archives. Les étagères contiennent une partie de la mémoire de la Nouvelle-France. Le lieu est silencieux. Et les documents semblent retrouver une seconde vie sur l'ordinateur de Tristan. Les actes notariés ont presque bâti la province de Québec. J'arrive pas à lire, c'est 10 de Richelieu, lequel a reconnu et confessé par ses présents avoir vendu, cédé, quitté, transporté et délaissé dès maintenant et à toujours, et promis et promet, garantir de tout trouble, don, douair, dette, hypothèque, éviction, substitution, aliénation et autres empêchements, généralement quelconque, à Sieur Joseph No. Clair, notaire, de la dite cité, c'est ça, de la dite cité de Saint-Hyacinthe, ici présent, et acceptant acquéreur pour lui c'est motivant. Ça paraît fastidieux, ça paraît difficile, ça paraît ennuyant. beaucoup de d'archivisme. Oh, Tristan, je ne sais pas comment tu fais. C'est une habitude maintenant. Ça fait 20 ans que je fais ça, moi. Là. Je suis bien, j'ai l'air climatisé. J'ai un bon fauteuil confortable. Puis... Mais je sais, je connais l'importance que ça a pour ceux qui font leur recherche généalogique. Et ça, là, ça me motive, disons. Toutes les semaines, Tristan envoie ses disques durs avec les fichiers numérisés vers Salt Lake City. Les archives de Québec récupèrent de leur côté une copie pour leur site web. Nous rentrons à Montréal pour échanger avec Alain Allard, notre principal interlocuteur. Pas un seul jour ne s'écoule sans que les Mormons ne rapatrient des centaines de milliers de documents à Salt Lake City. C'est encore un commandement de Joseph Smith, leur prophète, qui a tracé la voie. Et je me rappelle qu'il y a eu une révélation à un moment donné qui disait qu'un jour, on va devoir présenter dans le temple un livre contenant le nom de tous nos ancêtres. Puis ce livre-là, ils doivent être de toute acceptation, de bonne acceptation. C'est-à-dire la qualité devrait être très bonne. Alors imaginez-vous Joseph Smith qui reçoit quelque chose comme ça. Il devait se demander comment gros va être ce livre-là. Il ne devait pas certainement voir comment ça va être réalisé. C'est juste de nos jours à nous qu'on le voit, ça. De façon surprenante, ce livre est en train de prendre forme au milieu des États-Unis. Pour assister à sa construction, il faut se rendre en Utah, dans la capitale des Mormons. C'est cet objet immatériel que nous tenterons d'approcher lors de notre prochain épisode. La voûte éternelle est un balado coproduit par le magazine Québec Science et Sylvain Lombroso. Réalisation et voix, Sylvain Lombroso. Conception sonore, Daniel Capeille.